Radio FR vous présente la journée intercantonale de la formation professionnelle. Et nous nous intéressons maintenant aux possibilités qui s'offrent après l'obtention d'un CFC. Il s'agit des formations professionnelles supérieures comme les brevets ou les maîtrises fédérales. Mathias Berlocher de Radio Freiburg a rencontré le président de la Fédération Suisse pour la formation continue. Il lui a demandé si ce n'était pas plus judicieux de suivre ce chemin plutôt que de faire une formation universitaire. On écoute Rudolf Stramm. Ces gens qui ont fait un certificat après la formation professionnelle et après une formation professionnelle supérieure sont les plus demandés, les spécialistes, les cadres moyens dans l'économie, plus demandés que les diplômés des universités. C'est ça la valeur de la formation professionnelle supérieure. Actuellement, on cherche les gens comme ça. L'économie privée, particulièrement l'économie des PME, demande des gens qui ont une spécialisation dans tel ou tel domaine. C'est nécessaire que les spécialistes doivent aussi adapter les nouvelles technologies, la nouvelle connaissance du processus, et c'est pourquoi la formation professionnelle supérieure est tellement demandée et aussi c'est très bien payé. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on pourrait encore améliorer? Je crois qu'il faut améliorer aussi le système de la formation professionnelle supérieure. D'abord, il faut aussi adapter le titre. Les titres suisses ne sont pas compatibles avec les titres des universités étrangères. Il faut peut-être aussi plus financer ce système, la formation professionnelle supérieure. Pourrait la formation professionnelle supérieure aider contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée? Nous avons aussi 27 000 diplômés par an avec la formation professionnelle. Et la Suisse était très faible, plus faible, si on n'avait pas ces quatre moyens. Ce n'est pas nécessaire qu'on a seulement des chercheurs, des docteurs, c'est aussi important, mais c'est aussi important qu'on a du personnel qui fait l'exécution. Il faut avoir tous les deux, les chercheurs, mais aussi le personnel spécialisé qui peut faire l'exécution d'une manière exacte et moderne.